Déjà, le bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien, juste vous dire que les jours passés, on a eu une belle visite du côté de Winnipeg, Saint-Boniface, un atelier, une formation d'écriture fait par un des maîtres en la matière, M. Jim Corcoran. Il était du côté du Manitoba. Plusieurs artistes ont participé à un atelier d'écriture comme ça, une formation pour connaître des petits trucs, comment mieux écrire les chansons ou amener les chansons ailleurs. Donc, il y a entre autres Jocelyne Baribeau qui était là. Bonne nouvelle au sujet de Jocelyne Baribeau. Elle travaille en ce moment sur un album avec M. Danny Boudreau. Et oui, un album. Les deux artistes vont sortir un album ensemble. Un album du groupe Beau Séjour, prévu pour février 2019. Donc, assez intéressant, merci. Les deux sont des voix magnifiques. Les deux ont une belle écriture. Donc, ça devrait donner quelque chose d'assez solide. J'ai bien hâte d'entendre ça. On va entendre une belle chanson de Jocelyne Baribeau, une belle reprise qui s'appelle « Mille après mille ». Par la suite, une autre qui participait à l'atelier de chansons de Jim Corcoran, c'est Suzanne Canelli qui, elle, nous a sorti, je pense, au printemps, je ne me trompe pas, un petit EP de 5 chansons originales jazz. Vraiment intéressant, on va entendre un peu comme eux. Et on va terminer ça avec Histoire d'antan d'Andrina Turenne, qui elle est tirée de cette chanson-là, d'une compilation qui s'appelle Thank You, Merci, qui rend hommage aux auteurs, compositeurs, interprètes du Manitoba. Et pour l'instant, voici Mille après mille, Jocelyne Baribeau. Ma vie est un long chemin sans fin, et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Si je cherche dans les faubourgs et les villes, c'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Chaque mille que je parcours me semble inutile. Je cherche toujours sans rien trouver. Et je vois ton visage qui me hante. Je me demande pourquoi je t'ai quitté. Après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Un jour, quand mes voyages auront pris fin, et qu'au fond de moi, j'aurai trouvé cette paix dont je sentais le besoin, à ce moment, je pourrais m'arrêter. Triste, mille après mille, je m'ennuie.

un troubadour, une guitare à la main, est arrivé en chantant ce refrain, ce refrain. Quand il y aura plus de soleil, quand les étoiles auront sommeil, quand l'eau de mer voudra voler, moi je ne voudrai plus t'aimer. Da-da. La montagne un jour il est allé, devinez donc ce qu'il a pu trouver. La belle châtaigne assise sur un rocher, il a voulu tout de suite l'épouser. Et d'une voix douce il se mit à chanter, à chanter. Quand il y aura dans le soleil, quand les étoiles, quand l'eau de mer voudra voler, moi je ne voudrai plus t'aimer. Et le jour même, dans une petite chapelle, il a promis à la terre et au ciel de ne jamais, jamais quitter sa belle. Et quand ils sont sortis de la chapelle, l'orgue entonnait ce refrain éternel, éternel. Quand il y aura un soleil, quand les étoiles auront sommeil, quand l'eau de mer voudra voler, moi je ne voudrai plus t'aimer. Comme ce prince de la pluie du vent, il vient la belle pour t'offrir ce chant. Daigne l'accueillir comme ta maman, toi tu seras la grosse de son printemps, et vous chanterez en tout lieu, en tout temps, en tout temps. Quand il y aura le temps presse, mes amis. J'ai le goût de vous faire danser pour terminer l'émission. On va y aller avec Alpha Toshinesa du Manitoba avec sa chanson « Sans regret, sans remords » de son album « Jazz Inuit ». De son album « Éléphant », le Francescois Sean Jobin sera là également avec « So Close ». Et on va écouter aussi Jeremy and the Delicious Sound, lui aussi du Manitoba, avec la chanson « On ne fait que commencer ». Voici Alpha Toshinesa. La musique à deux.